Mireille, à la Sorbonne, au cours d'italien. Lasciate ogni speranza, voi ch'ingrate. La salle de cours. Où va Mireille? Elle va à la fac. Pourquoi est-ce qu'elle va à la fac? Elle va apprendre le français? Non, elle ne va pas apprendre le français. Elle va apprendre l'italien. Et nous? Nous allons apprendre l'italien? Non, nous n'allons pas apprendre l'italien. Est-ce que nous allons apprendre l'espagnol? L'arabe? Le japonais? Non. Et nous n'allons pas apprendre l'anglais non plus. Alors qu'est-ce que nous allons apprendre alors? Le français. C'est ça. Nous allons apprendre le français. Où va Mireille? Elle va à la fac. Où va Mireille? Où va Mireille? Où va Mireille? Elle va à la fac. Elle va à la fac. Elle va apprendre le français. Elle va apprendre le français. Elle va apprendre le français? Elle va apprendre le français? Non, elle ne va pas apprendre le français. Non, elle ne va pas apprendre le français. Non, elle ne va pas apprendre le français. Qu'est-ce que nous allons apprendre alors? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce que nous allons apprendre alors? C'est ça. Nous allons apprendre le français. Nous allons apprendre le français. Nous allons apprendre le français.